Vous écoutez C'est Fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Et on reçoit Simon Fitzbay comme à chaque mardi pour sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Voici Paul is Dead. Salut Simon Fitzbay. Bonjour Mathieu Plante, ça va bien? Ben oui, très bien, bienvenue dans l'émission comme merci, toujours. Merci, merci. Un peu plus tard, hein? Il fait plus noir, on dirait, dans le studio. Oui, on a comme échangé deux chroniques et puis ça fait comme tellement différent comme ouais. ambiance. Dans l'émission, l'émission a comme une progression de plus en plus sombre. Oui, oui. Je baisse mon volume de voix aussi. Plus ça va, il fait noir. Plus ma voix est grave avec le temps. Donc... Ouais. On parle des pires gérants du monde aujourd'hui dans ta chronique. Oui, les pires agents d'artistes, en fait, les pires impresarios que le rock'n'roll a pu connaître avec les époques. Donc, dans le monde du rock'n'roll, l'image dégagée par l'artiste importe bien souvent autant que la musique qu'il compose. L'impresario est souvent à la clé de cette image essentielle à la construction d'un mythe. Les costumes, les coupes de cheveux, le cuir, l'attitude ainsi que certaines histoires grossièrement exagérées pour le plaisir des médias sont le quotidien de ces personnes qui ont à cœur le succès de leurs protégés. Ils agissent majoritairement pour le bien de ceux-ci, mais certains agents cachent parfois une face plus sombre, une dépendance à l'argent qui les pousse parfois à profiter de la naïveté de plusieurs artistes afin de les exploiter. Je propose donc, ça va être une chronique en deux temps, cette semaine et la semaine prochaine. Donc cette semaine, on va s'attaquer aux mauvais gérants, ceux qui ont été un peu véreux, ceux qui ont été mauvais pour leurs artistes. Et la semaine prochaine, on va voir ceux qui étaient des succès, ceux qui vraiment faisaient attention à leurs poulains, ceux qui voulaient qu'ils mettent la musique de l'avant et les artistes de l'avant. Donc, cette semaine, top 3, dans le fond, des pires, selon moi, Simon Fitzbay, les pires agents d'artistes, les pires impresarios. On commence en numéro 3 avec l'arnaqueur Malcolm McLaren. Pour Malcolm McLaren, la musique n'a pas vraiment d'importance. L'attitude est, selon l'ancien gérant des New York Dolls et des Sex Pistols, au centre de l'industrie des arts. Cet homme d'affaires, propriétaire d'une boutique de vêtements sadomasochiste, est aussi reconnu pour avoir créé de toutes pièces un des groupes les plus influents de l'univers du punk, The Sex Pistols, dans les années 70. Alors qu'il était manager du groupe The Strands, un de ses assistants, qui allait devenir plus tard gérant ou agent du groupe The Clash, qui est aussi un grand groupe de punk rock anglais, remarque un jeune homme aux cheveux verts portant un chandail de Pink Floyd auquel il avait rajouté au crayon feutre les mots « Je déteste Pink Floyd ». Et Pink Floyd était gros à l'époque, donc c'était la mentalité punk qui était... De détester tout ce que le monde aime. Exactement, oui. Puis Pink Floyd était un groupe à grand développement et le punk, c'est surtout minimaliste comme ça, la musique. Donc, il représentait un peu cette mentalité. Il a donc demandé à ce jeune qui se nommait John Lydon d'être mieux connu sous le nom de Johnny Rotten quelques temps plus tard, de prendre les rênes du groupe de Strand que gérait McLaren. Ils allaient donc prendre le nom des Sex Pistols et allaient rapidement faire un tabac en Angleterre qui venait de se faire frapper de plein fouet par la vague du punk rock. Son plus beau coup reste l'apparition du simple God Save the Queen, un hymne à la rébellion face à la monarchie britannique en pleine semaine célébrant le 25 ans de règne de notre chère reine Elisabeth II, donc en 1977. Il poussa l'audace jusqu'à aller à louer un bateau pour aller voguer sur la Tamise alors que la reine célébrait sur la fameuse rivière à Londres dans un bateau royal. Et les Sex Pistols qui sont arrivés à côté, qui voguaient autour du bateau et qui chantaient cette chanson-là, qui est vraiment... C'est une attaque à la monarchie. Je devais avoir la pièce. Malheureusement, je l'ai oubliée chez moi. Donc peut-être une autre fois, hein, je la ferai jouer. Et malheureusement, ses talents de marketing n'égalaient pas ses talents humains. Il refusait souvent de payer le groupe et il traitait très mal. Et lorsque le groupe s'est séparé en pleine tournée américaine, quelques temps après la sortie de leur premier album, Nevermind the Bollocks, Here the Sex Pistols, il a affirmé que le chemin des Pistols, donc de la formation jusqu'à la séparation, avait déjà été tracé d'avance par lui. Et il a ensuite fait paraître le film The Great Rock and Roll Swindle, qui met en scène les Sex Pistols pour prouver son point et également pousser sa, mo- ça pousser sa propre carrière musicale. Il allait sortir un disque, en fait, l'année suivante, et sur le film, il chantait déjà deux pièces, donc l'agent d'artiste. Et il a gardé les droits des Sex Pistols jusqu'au début des années 80, alors qu'il s'est fait poursuivre par John Lydon, Johnny Rotten, pour non-paiement de salaire. Il a débuté une carrière solo donc en 1983, qui le conduit toujours aujourd'hui. Son album le plus récent se nomme Shallow Musical Painting, donc il fait de la peinture musicale. Et il reste encore aujourd'hui un exemple d'opportunisme crasse. Les Sex Pistols ont eu un succès intéressant grâce à lui, par contre, mais la méthode n'a pas vraiment aidé. Le groupe n'a pas pu outrepasser ses problèmes internes pour rayonner plus longtemps sur la scène anglaise. Donc, il n'y avait pas vraiment le groupe à cœur. C'est beaucoup plus l'argent qui intéressait Malcolm McLaren. Donc, c'est ce qui termine le numéro 3. On va maintenant passer au numéro 2 des pires impresarios de l'histoire du rock. Et j'ai nommé l'arracheur de dents, Alan Klein. Comment croire que l'homme qu'on appelait le Robin des Bois de la pop allait se transformer en quelque temps en arracheur de dents maléfique? Voici donc Alan Klein. Le comptable a fait ses premières armes dans le monde de la musique en allant chercher des millions et les mettre dans les poches, en fait des millions des grosses compagnies pour les mettre dans les poches de légendaires musiciens des années 50 sous-payés tels que le crooner Bobby Darin et la légende du soul Sam Cooke. Il est devenu co-impresario des Rolling Stones en 1965 et impressionne les jeunes membres du groupe. Un peu plus tard, Mick Jagger, qui a étudié à la célèbre London School of Economics, se rend compte que Klein était peut-être pas le meilleur choix, qu'il était pas très très éthique dans ses décisions pour gérer la carrière, et il le met à la porte officiellement en 1970. Mais alors qu'il s'occupait de la carrière des Stones, Klein rencontre John Lennon, qui est séduit par ses talents de communicateur et ainsi que son street smart, qu'on dit en anglais, donc son savoir appris... Sur le tas. Sur le tas, exactement, c'est le mot que je cherchais depuis longtemps, le pays. John Lennon a convaincu rapidement George et Ringo de confier les finances chancelantes de la compagnie Apple au comptable Alan Klein. On avait parlé un peu dans les chicanes des Beatles, il était un peu au centre de tout ça. Paul McCartney, justement, pour sa part, voit l'arrivée de Klein d'un mauvais œil. Il continue à croire que son beau-père, Lee Eastman, est le meilleur choix. L'arracheur de dents, en fait, ça vient des cauchemars que faisait Paul McCartney, où il voyait Klein comme un dentiste maléfique. Il était chez le dentiste, c'était Klein qui servirait sur sa petite chaise, la petite chaise du dentiste, là, où c'est qu'il peut tourner. Donc, Klein apparaissait pour y arracher les dents. Et il a effectué de nombreuses coupures dans la compagnie Apple et il a négocié des contrats lucratifs quand même pour les Beatles qui naissent qu'en 73, mais c'était déjà trop tard. La hargne et la discorde étaient déjà bien installées dans le groupe. McCartney a mis fin aux Beatles en 69 et a dissous légalement le groupe en 1970 en les poursuivant par la bande et empêché Klein d'obtenir le contrôle du groupe et le contrôle du nom des Beatles. Donc McCartney a bien manœuvré dans ce sens-là. Et en plus, ce qu'a fait après les Beatles, en fait, c'est en plus d'avoir escroqué l'UNICEF dans le cadre du concert pour le Bangladesh de George Harrison. On se souvient aussi de Klein comme le responsable du succès de la pièce Bittersweet Symphony du groupe anglais The Verve. Ça a été populaire dans les années 90, ça. C'est que dans cette pièce, le groupe utilise un échantillonnage de la pièce The Last Time des Rolling Stones. Et comme la compagnie de Klein, ABCO, était responsable des droits des Rolling Stones, et ce qui est des droits pour l'échantillonnage, il a négocié une entente avec le groupe Indie, c'est quand même pas très très connu de Verve à l'époque, et pour qu'ils puissent utiliser les orchestrations dans leurs pièces. Mais il a poursuivi rapidement le groupe pour une surutilisation de l'échantillonnage de la pièce des Stones. Les droits de Bittersweet Symphony sont donc revenus à Klein, qui profite de la pièce pour la pièce branchée, en fait, et la vend à la compagnie Nike pour des pubs de chaussures et la vend aussi à une compagnie d'automobiles pour une grande campagne publicitaire. Et lorsque la pièce s'est retrouvée en nomination aux Grammy Awards, c'est pas The Verve qui a eu la nomination, mais Mick Jagger et Keith Richards, puisque c'était un échantillonnage des pièces des Rolling Stones. C'est vraiment c'est fou comment il a pu les escroquer de cette façon-là. Et cet homme-là représente donc le diable dans le domaine musical. Il est reconnu en fait comme étant une pièce importante de la rupture des Beatles et le modèle parfait de l'exploiteur de talents véreux. Mais pas le moins pire. Non, c'est ça, c'est pas le moins pire parce que on arrive au pire, en fait, selon moi toujours et selon ce que j'ai consulté comme source. Le numéro 1, le fabricant de royauté, le colonel Parker. Colonel Parker, qui était gérant d'Elvis Presley. Donc, c'est lui qui est, on attribue le succès d'Elvis aux manœuvres de son impresario, Tom Parker. Le succès de ses films aussi? Oui, aussi. C'est lui qui a géré la carrière d'Elvis de A à Z. Et Elvis n'est jamais allé en Europe. Ça, je sais pas si tu savais. Non. En fait, pas grand monde savent ça, parce que c'est quand même il y a longtemps, les années 50, où c'est que donnait les choses, les années 60, c'est que il n'est jamais fait de tournée ou de concert en Europe parce que son impresario Tom Parker, surnommé le colonel, Gerald King ne voulait pas. Et la véritable raison de pourquoi il ne voulait pas que Elvis en aille en Europe, c'est qu'il était Hollandais de naissance et il était immigrant illégal. Il n'avait pas sa citoyenneté américaine. Donc, s'il quittait le pays avec Elvis, il risquait de ne pas pouvoir retourner dans le pays. OK. Oui, dans lequel il avait fait sa vie, il avait sa femme, ses enfants, ainsi que 6 millions qu'il a pris à Elvis. Mais ça, on en reparlera quelque peu plus tard. Donc, il est devenu impresario d'Elvis Presley le 18 août 1955 et prend tout de suite la carrière en main d'Elvis en rachetant, en demandant en fait à RCA de racheter le contrat d'Elvis avec la Sun Records, qui était quand même une petite compagnie sudiste dans le Tennessee. Et il y avait pas grand chance vraiment d'exploser au niveau national avec cette compagnie. Et donc, il signe un contrat de gérance avec Elvis et qui lui donne un revenu de 25% des recettes d'Elvis, qui est quand même gros. C'est le quart, presque. Oui, exactement, c'est le quart. Exactement le quart. Et donc, habituellement, c'est 10% pour les impresarios, même à cette époque-là et encore aujourd'hui. Et encore pire, lorsqu'Elvis a effectué son retour en 1968, il avait pris une pause pour donc il était allé faire la guerre, il a fait des films, il a fait un gros retour en 68 et il a négocié un contrat rapportant 125 000 $ par semaine au King, à M. Presley, avec sa série de concerts à Las Vegas. La somme était très intéressante, c'était le plus gros montant accordé à un artiste pour l'époque. Mais la trappe, c'est que le contrat signé par Elvis et Parker prévoit que 50% des revenus du King reviennent au colonel. Donc, c'est quasiment la moitié, ça. Hein? C'est quasiment la moitié. Ouais, quasiment. On est juste à côté. Et si on additionne donc cette entente 50-50 aux revenus aussi des produits promotionnels et autres produits non musicaux, les poupées, les figurines, les statues, les chandails, tout ce qui n'a pas rapport à la musique, Parker faisait plus d'argent que son client parce que tous ces revenus-là revenaient à lui. C'est lui qui commandait. Wow. L'image d'Elvis lui appartenait. Donc, c'était vraiment incroyable. Ses favoris lui appartenaient. Oui, c'est ça. Il les enlevait, il les mettait dans une valise. Parker partait avec. Ridicule. À toutes les soirs. Donc, Elvis n'était pas dupe à ce point. Par contre, il a tenté à quelques reprises de se libérer du contrôle du colonel. Mais il y avait des documents béton afin de garder la mainmise, bien sûr, sur son poulain sans que ça coûte des millions et des millions à Elvis. Et il n'y avait pas l'intention de le laisser aller. De plus, Elvis avait très peur des confrontations. Il n'aimait pas confronter quelqu'un ou aller parler à quelqu'un pour régler un problème. Il était très poli aussi. Il disait tout le temps « Thank you very much ». Oui, « Thank you very much ». Et donc, Parker est resté l'agent d'Elvis, son frère, jusqu'à sa mort. On dit qu'il allait souvent rencontrer son client alors que celui-ci était intoxiqué par de nombreux médicaments qu'il prenait. Faut-il rappeler qu'Elvis Presley était accro aux pilules, à de nombreux somnifères et choses comme ça. Donc, et au sandwich au bar de pinot avec des bananes aussi, je pense. Ah oui, ça se peut, ça. Mais ça, c'est facile de tomber accro de ça. C'est bon, ça. Hein? C'est tellement bon. Ouais. C'est tous les éléments, en plus, sont là pour faire un bon repas. Et donc, Elvis prenait des décisions à moitié gelées parce qu'il allait le voir exactement les journées où, dans le fond, dans le temps, c'est qu'il est dans ses creux avec les drogues. Et c'est un peu une façon qu'il a eu de le manipuler tout au long de sa carrière. Et lorsqu'Elvis est décédé, Parker s'est présenté aux funérailles, bien sûr, à côté de la femme, la veuve d'Elvis. Par contre, aussitôt que la cérémonie était terminée, il y avait une limousine qui l'attendait pour aller à New York afin de discuter de contrats de marchandises posthumes d'Elvis. Ah. C'est vraiment là, le lendemain ou le surlendemain, lorsqu'il y a eu les funérailles, il est parti, il s'est en allé à New York. Et il est devenu accro au jeu quand Elvis était à Las Vegas. Il restait quand même pas loin de lui, donc il y a peut-être la chambre d'hôtel à côté. Et on estime qu'en 97, lorsqu'il est décédé, il n'y avait plus $1 million dans son compte. Mais dans sa vie totale, le colonel Parker a fait $100 million. Donc c'est 99 millions de l'argent qui aurait probablement revenu plus à Elvis qu'à lui, qui a dépensé dans les casinos. Et donc c'est ce qui conclut cette brève liste des trois pires impresarios de l'histoire de la musique. Il y en a d'autres, il y en a plein, c'est vraiment génial à lire. Il y a entre autres le père de Sharon Osbourne, qui est la gérante d'Ozzy. C'est qu'en fait, cet homme-là est vu un peu comme le Don Corleone de la musique. Le parrain. Ça, c'est le parrain. Puisque lorsque Ozzy a quitté Black Sabbath, ou plutôt lorsque Black Sabbath a mis Ozzy dehors, Sharon a décidé de prendre la carrière de son mari en main. Mais c'est que c'était géré par son père. Et il a même envoyé des fiers à bras pour briser les jambes à Ozzy. Et ils ont frappé la fille de cet homme dont le nom m'échappe. Mais donc le père a commandé donc une attaque sur sa propre fille parce qu'elle avait pris un de ses poulains dans le fond. Un de ses artistes. Wow. C'est incroyable. Il y en a plein. Et la semaine prochaine, ça sera les meilleurs impresarios, ceux qui sont à suivre. Donc, les exemples à suivre au niveau de l'impresario, il y a entre autres Renan Gélil, Eduardo da Costa. Non, ouais, sûrement. Vraiment, ceux qui ont aidé les artistes. On va aller dans l'histoire, là, les plus importants. Bon, c'est la semaine prochaine, mardi, toujours, dans la chronique Paul is Dead de Simon Fitzbé. Exactement. Que je remercie, bien sûr, évidemment. Ça fait toujours plaisir. Et on te retrouve à l'émission Album Classique Barobic Krautrock, qui est les lundis soirs à partir de 20h. De 20h à 22h. Il y a tes chroniques à l'émission La Pilule du lendemain. Demain matin, mercredi matin, à 7h50. Carré aux dates, les éphémérides de la semaine. Listen to that. Ça, ouais. C'est très intéressant, toujours à chaque semaine. Simon Fitzbé, merci encore. Ça fait plaisir. Bon, t'es encore en train de travailler là-dessus? Toi, il me semble que ça fait des mois que je te vois gosser, puis je sais toujours pas ce que c'est. Ben là, c'est un vibromasseur, il me semble que c'est évident. Ben c'est parce que ça ressemble vraiment plus à un... Ah! Oh! Je pense que je vais recommencer. Kiwan et Mathieu, assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées du lundi au jeudi de 15 à 17h à C'est fou.